Fuyez les nuages, fuyez les ondes, un détresse dans les ondes, elle est si belle de son vivant, elle était celle que tu pensais tenir. Triste lambeau ne vaut plus que des mots, que des mots. Conquérir l'empire, le devenir s'efface, les épaves du futur, une once de remords à conquérir.